Jusqu'alors, Talca n'avait fait aucune observation sur la route rigoureusement suivie. Chaque matin, on marchait vers le soleil levant sans s'écarter de la ligne droite. Et chaque soir, le soleil couchant se trouvait à l'extrémité opposée de cette ligne. Talcalve devait donc s'étonner de voir que non seulement il ne guidait pas, mais qu'on le guidait à lui-même. Ce jour-là, arrivé à la suite d'une voie de communication, il arrêta son cheval et dit à Paganel. « Vous cherchez un prisonnier, dit-il. »« Oui, répondit Paganel. Et précisément, sur cette ligne comprise entre le soleil qui se couche et le soleil qui se lève, ajouta Talcalve, en précisant, par une comparaison à la mode indienne, la route de l'ouest à l'est. « Oui, oui, c'est cela. » Et c'est votre dieu du Patagon qui a confié au flot de la vaste mer les secrets du prisonnier. Dieu lui-même. Que sa volonté s'accomplisse alors, répondit Talcalve, avec une certaine solennité. Nous marcherons dans l'est, et s'il le faut, jusqu'au soleil. Glenarvan engagea Paganel à demander au Patagon s'il avait entendu dire que des étrangers fussent tombés entre les mains d'Indiens des Pampas. Et ce prisonnier, demanda Paganel. C'était un étranger, répondit Talcalve, un Européen. Vous l'avez vu? « Non, mais il est parlé de lui dans les récits des Indiens. C'était un brave, il avait un cœur de taureau. »« Un cœur de taureau ?» dit Paganel. « Ah, magnifique langue patagone. Vous comprenez, mes amis, un homme courageux. »« Mon père !» s'écria Robert Grant. « Oui, s'adressant à Paganel. « Comment dit-on c'est mon père en espagnol ?» lui demanda-t-il. « Es mio padre ?» répondit le géographe. Aussitôt Robert, prenant les mains de Talcalve, dit d'une voix douce. « Es mio padre ?»« Suo padre ?» répondit le Patagon, dont le regard s'éclaira. Il prit l'enfant dans ses bras, l'enleva de son cheval et le considéra avec la plus curieuse sympathie. Son visage intelligent était empreint d'une paisible émotion.